L'amour nous a quittés sans faire de tapage. Ne m'en veux pas, l'amour s'en est allé. Voyage, ne t'en veux pas, ne t'en veux pas. Si je t'ai blessé, si tu m'as blessé, l'amour n'en pouvait plus. Trop tendre, ne m'en veux pas. Si l'amour n'a pas su si tu m'aimes encore, l'amour nous a quittés sans faire de tapage.